C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Otaru. Il vit sur une planète, la planète japonaise. Un jour il tombe dans un trou abandonné. Et là il rencontra une machine bizarre. Elle s'appelle Laimu. C'est une marionnette. Donc adore les combats. Et Otaru aussi. Et un peu plus tard, il y en a deux autres qui débarquent aussi. Sans Bulma, Yonechi. Avec Laima, Blue Belly et Chaney, Mitsurugi, le bouffon de service, qu'il pote Otaru à certains moments, ouais.